Oh là là, je fais comme je peux, je gère. Je décris toujours le terre-terre. Capuché, je suis plus sur cette terre. Je cache le pitou pour l'insert. Je veux le tic dans le jardin comme Antonio. Tout ce qu'on dit de moi, moi je m'en cogne. J'aurais pu me la péter maintenant que tu connes. Mon pote il est pété, c'est moi qui conduis. Je suis pas plus les guépiers, tous ces conduits. Tous ces bâtards sur net qui font les tendus. On m'a dit qu'il y avait un bruit, moi je suis descendu. Et qu'est-ce tendu, j'ai pas les vendus. Je fais l'instru, statue, c'est l'hiver chature. Je fais des tours pour rien qu'à dans la voiture. Tu veux quoi de moi, toujours quelque chose à dire. Je croise un fan, je fais la tour. Aujourd'hui je n'ai pas envie de rire. Va faire foutre. Tu vois pas, tu me niques mon délire. Va faire foutre. Tu dis tout le temps que t'as connu le pire. Va faire foutre. Tu parles de moi, je t'aime bien. Va faire foutre. J'suis dans le studio, j'fume la baie à la fraîche. J'traîne avec des gentils, avec des mecs qui t'agressent. Papa, passe sur la rafle, ça trace. Qui a dit que ça dormait dans le 13? J'pense que j'ai toujours envie d'écrire. Faut le gros, on va te faire en maigrir. Mais dis-moi où tu t'es cru. Opération coup de poing, ils vont se prendre des pierres. Il dit qu'il aime que c'est ça, tu quittes. Il dit que si ça le cherche, il sort sa guitare. On est en bas du bâtiment toute la nuit tard. Ils reprennent mon flow, mais j'suis inimitable. Au quartier, j'ai toujours ma cachette. Ils ont mis des caméras, j'suis capuché caché. Pour les potes au cachot, pas ceux qu'on cachait. De la rue, j'suis amoureux, je suis j'n'ai pas envie de rire. Va faire foutre. Tu vois pas, tu me niques mon délire. Va faire foutre. Tu dis tout le temps que t'as connu le pire. Va faire foutre. Parle de moi, je t'aime bien. Va te faire foutre. Je t'ai pas fait péter, poto, t'as de la chatte. Si demain je suis recherché, ben je fais la chaffe. Ils ne croient pas que le respect, ça s'achète. Fais confiance à personne. Ton meilleur poteau peut se retrouver derrière la gâchette. Moi j'évite la garde d'ave. Les gars disent qu'ils jouent les belles, qu'en fait c'est des cadavres. C'est pour l'équipe, ça, de la cave. Street, ça passe la nuit debout. Que des coups, y'a pas de chat. Pas de string que nous. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de rire. Va te faire foutre. Tu vois pas, tu me niques mon délire. Va te faire foutre. Tu dis tout le temps que t'as connu le pire. Va te faire foutre. Tu parles de moi, je t'aime bien. Va te faire foutre. On est posé, posé. Si tu nous cherches, cherches, cherches, on va se croiser, croiser. On pourrait te croiser, croiser. On est posé, posé. Si tu nous cherches, cherches, cherches, on va se croiser, croiser. On pourrait te croiser, croiser. Loulou, loulou, loulou.